Donc, pas longtemps après Cantor, Ferdinand de Saussure, qui enseignait la linguistique à Genève, s'est probablement inspiré de sa théorie des ensembles pour créer une théorie de la langue désormais célèbre qui sera le fondement de tout le courant structuraliste. Dans son ouvrage intitulé Cours de linguistique générale, qui en fait la collection, qui est en fait la collection des notes prises par ses étudiants, Saussure focalise l'attention sur la différence entre le signifiant et le signifié. Cette différence, il la schématise par le mot arbre et le concept arbre représenté par le dessin de cet arbre. Alors il dit en fait c'est le contraire, excusez-moi, ça c'est le signifiant, hein? Et ça c'est le signifié, voyez? Le signifiant c'est le mot arbre, le signifié c'est le concept d'arbre. Parce que au fond, Saussure reprend cette formule, si l'ensemble en question c'est une phrase avec des mots, chaque phrase, chaque mot de la phrase cache le signifié qui lui correspond. Dans le fond, comme l'image à laquelle ça correspond. Oui, c'est ça. L'image intérieure. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'en arriver à Jacobson. Jacobson est un successeur de Saussure que Lévi-Strauss a connu à New York. Vous savez que Lévi-Strauss est un Alsacien juif. Et pendant la guerre de 40, quand les Allemands ont envahi la France, il a été obligé de s'exiler à New York. Et il a passé quelques années là-bas. Et il a rencontré Roman Jacobson, qui était un linguiste de l'école de Prague. Et donc il a été initié à la linguistique structurale par Jacobson. Jacobson a élaboré l'analyse des phonèmes. Les phonèmes étant des éléments phoniques utilisés par une langue donnée. C'est pas tout à fait les lettres. C'est les sons. C'est les sons. Comme E. Oui, c'est ça. Moi, j'ai appris à écrire le français au son à l'époque. C'était la méthode. Ah, oui. Le sablier au son. Le sablier, comment ça? Oui, ça s'appelait comme ça. C'est une méthode. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes de cette époque-là. J'étais dans la fin, par contre, ça. Moi, j'étais au début. La première année, c'était de nouvelle école avec cette méthode-là. Alors, dans notre génération, beaucoup d'enfants qui ont eu de la misère avec comment on écrit les mots. Parce que c'était plus important. C'est ça. Fait que j'ai encore, moi, les images de tous ces sons-là qu'on imageait sur les murs de la classe. Oui, oui. Comme le « ou », le « un ». C'est ça. Avec les dessins qui nous permettaient de les intégrer. Ça, en fait, c'est une application directe hein, de la théorie des phonèmes. Mm. Alors, bon, comment, au fond, comment a été élaborée l'analyse des phonèmes? C'est très simple, au fond. Elle consiste à mettre l'un sur l'autre deux signifiants qui ne diffèrent que très peu, hein, comme pain et bain. Alors, quand on élimine les parties communes, on a les phonèmes différentiels P et B. Mais en réalité, on peut aussi pousser plus loin l'analyse des différences, puisque on peut se demander quelle est la différence entre P et B. Hein? On s'aperçoit que P et B se prononcent exactement à la même place. Donc, ça c'est une partie commune. Donc on peut éliminer cette partie commune. Qu'est-ce qui reste? Il reste E, c'est-à-dire le voisement, c'est-à-dire la voix. La différence entre le P et le B, c'est que dans B, j'ajoute E, qui n'est pas dans P. Comprenez? Parce c'est... que le, dans le fond, le P, c'est P. C'est ça. On n'entend pas l'autre son. On n'entend pas la voix, la corde vocale. Hein? Ou bien la voix est très faible. Alors que dans B, la voix est là. Ça s'appelle le voisement. Ça s'appelle des... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un trait distinctif. Ça s'appelle des traits distinctifs. C'est pas des phonèmes, c'est des traits distinctifs. Alors, le trait distinctif peut différencier beaucoup de phonèmes. Par exemple, bon, le P, le B, on l'a vu. Il y a le T et le D. Le T et le D se prononcent à la même place, mais la différence est aussi le voisement. Ou bien le CH et le JE. Là aussi, c'est le même son, avec et sans voisement. Il y a le S et le ZE. SZ. Là aussi. Ensuite, il y a F, V. F et V. Et ensuite, il y a le K, G. Ça, c'est l'analyse des phonèmes de Jacobson. Oui. Mais il était américain. Il était français. Jacobson était tchèque. Mais il l'a fait avec quelle langue? C'est ça, hein? Moi, je l'ai lu en français. L'allemand. Ça se peut. J'avoue que je ne saurais pas. Puis je dis ça parce que Serge, il était toujours avec ses livres d'allemand, et puis tout le temps à nous prendre avec l'allemand, parce qu'il disait que beaucoup venait de l'allemand. Fait que lui, il reprenait l'allemand pour comprendre. Et c'était des traductions différentes? Ou de Freud, peut-être? Mais moi, je dirais que Jacobson était lié aux Russes et aux Tchèques. Mais bon, il a pu écrire. Oui, parce que c'est quand même une langue, on l'appelle romance, qui utilise le B, le T, parce que c'était les Russes, par exemple. Mais oui, je pense que oui, c'est toujours pareil, les phonèmes, on utilise quand même les sons P, B, T, J, Z, oui. Oui. Il y a des langues qui... Oui. Je pense que ça serait les mêmes lettres, peu importe les langues. Les mêmes sons, oui. Les mêmes sons. Dans les langues indo-européennes, on a sensiblement les mêmes sons. Ouais. Mais quand on passe à d'autres sortes de langues, comme les langues sémitiques, là les sons sont différents. Pas mal il y a des sons proprement à cette langue. Oui. Comme au portugais, par exemple, il y a des sons qui sont juste au portugais. Il y a un son un peu nasal qui n'existe pas ailleurs. Mais oui. Et je trouve aussi qu'en français, il n'y a pas beaucoup de sons comme on dit ici Tim Horton, parce qu'en anglais on dit Tim Horton, oui. Mais en français ça n'existe presque pas, les sons. Le H, ça n'existe pas. Les H. En français, le H, il n'y a pas de on son. On ne le dit pas. Alors qu'en anglais, oui. Le H, il y a un. Il y a comme un. Oui. On le c'est hot. Ouais. La hot, oui, en espagnol, oui, on dit la hot, la J. Ouais. La jota. La jota en espagnol, hein? Ça sonne, mais ici ça sonne comme J, mais en espagnol ça sonne comme ouais, comme c'est ça, c'est pas la même. Donc, ça, c'est intéressant la différence de différentes langues pour faire l'analyse des phonèmes. Et la jota est une héritière de l'invasion arabe. Ah oui, en Espagne. Oui, c'est okay. Ça. Sinon, ils n'auraient pas eu cette lettre-là. Ah oui. Dans les sons que vous nommiez, moi, mon enfant, il avait des difficultés avec beaucoup de sons quand il était petit. Puis, c'est les mêmes mélanges que les enfants font quand ils ont des difficultés. Le C et le G. Oui. Je reconnaissais les lettres qui mélangeaient quand vous les nommiez. Exact. Oui. C'est que ce qu'il y a de particulier, c'est que les enfants apprennent les phonèmes dans un certain ordre. Et souvent, quand ils ont des problèmes et qu'ils perdent ces phonèmes, ils les perdent dans le même ordre. Hein? C'est assez curieux. J'ai travaillé pendant quelques années avec des orthophonistes et c'était très intéressant. Mmh. Ouais, ils m'ont appris comment analyser les sons. J'avais même programmé un test qu'ils font de la prononciation des enfants. Alors, il y a un mot, l'enfant, on lui demande de prononcer ce mot, et il prononce ce mot devant l'ordinateur. Il y a une centaine de mots comme ça, et puis à la fin, quand il a dit ces 100 mots-là, l'ordinateur analyse sa prononciation et produit le processus qui est défaillant chez l'enfant. Oh. Oui, à cette époque, j'étais un passionné de programmation. Et j'avais fait ça pour eux. Là. Bref. Alors, peut-être que ce qu'a formulé Jacobson aussi, ce qui est intéressant, c'est la différence qu'il y a entre l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique. Alors, ce que Jacobson nous dit, c'est que quand on a une phrase, constitué par sujet, verbe, complément, on va mettre une phrase Pierre mange la pomme. pas d'importance, je vais un complément. C'est pas ça qui compte. Le mot Pierre, il cache en arrière de lui tous les noms qu'il n'est pas. Il cache Jean, Étienne, machin, tous les noms possibles, tous les prénoms possibles ne sont pas là, il n'y a que Pierre. Donc quand je lis Pierre, je sais que tous les autres ne sont pas là. Ça c'est l'axe paradigmatique. Tous les autres prénoms qui sont semblables à Pierre mais qui ne sont pas Pierre, vous voyez, ça c'est, on va dire, ça c'est l'axe paradigmatique. Et ça, c'est l'axe syntagmatique. Mange. Mange, je peux remplacer mange par n'importe quel verbe que Pierre pourrait accomplir, n'importe quel acte que Pierre pourrait accomplir. Donc, on a toute une série de choses que mange n'est pas. Hein? Là, bon, il y a le, il y a le, la, les, un, une, des. Un, une. Des, c'est ça. Alors, le fait que j'ai un là, je sais que le là n'est pas le des, le là n'est pas le un, ni le une, vous voyez. Donc, là encore mon axe paradigmatique. Pomme. Bon, ça peut aller dans le sens de tous les fruits, mais ça peut aussi aller dans le sens de tous les aliments. Vous voyez? Donc là, il y a comme une variété paradigmatique plus grande ici. Alors, dans mon esprit, quand j'écoute une phrase, je restreins les possibilités. C'est comme si au début de la phrase, il y a une immense variété de possibilités et au fur et à mesure que la phrase avance, elle se restreigne pour aboutir au point, là je comprends ma phrase, vous voyez ? C'est précis. Parce que la première fois que je l'ai entendu, je sais que c'était Pierre, pas tous les autres. Ensuite, j'ai su qu'il mange et pas, il fait autre chose, etc. Et le point me permet de comprendre rétroactivement la totalité de la phrase. C'est comme si l'arche syntagmatique va déterminer peu à peu l'arche paradigmatique. C'est ça, il fait des choix dans l'acte, dans la... les axes paradigmatiques. Et là, vous, ça vous rappelle, au fond, ce que je vous ai dit tout à l'heure de l'ensemble de Cantor. A, B, C, D. Vous voyez? Je vous disais que derrière mon A, j'avais A prime et A seconde. Vous voyez? Comment l'ensemble de Cantor a influencé Jacobson, bien longtemps après. Je sais que je dois, on doit revoir, étudier bien le théorème de Cantor, mais c'est la définition d'ensemble de Cantor. Ça dit, c'est comme, je ne sais pas comment formuler la question, mais l'ensemble de Cantor, c'est comme un présupposé, un paradigme, un théorème, ou c'est juste une définition. Il y a un ensemble, ou cet ensemble, c'est comme structurel en tout. C'est qu'est-ce qu'il a dit Cantor à propos de l'ensemble? C'est pas juste l'ensemble de Cantor, c'est un ensemble avec des éléments complètement différents. En plus que ça, il a dit quoi? Il a dit que ça, c'est comme dans les structures de tout. Ok. C'est-à-dire que... Bon. En fait, je pense que l'ensemble de Cantor est une analyse, une distinction qui n'était pas faite avant lui des deux axes. Vous voyez ? C'est Cantor introduit une distinction entre les deux axes qui était avant lui non distincte. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous rappelez le livre de Foucault, Les mots et les choses. Je ne sais pas si je l'ai ici. Dans l'introduction des mots et des choses, c'est très amusant ça. Si j'espère le retrouver, c'est hilarant. Ah voilà. C'est Foucault qui dit « Ce livre, a, les mots et les choses, a son lieu de naissance dans un texte de Borges. Hein? Dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée, de la nôtre, de celle qui a notre âge et notre géographie, ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du même et de l'autre. » Voilà, bon, ça c'est il a toute une littérature, Foucault. Alors, ce texte cite une certaine encyclopédie chinoise, où il est écrit que les animaux se divisent en A, appartenant à l'empereur, B, embaumé, C, apprivoisé, D, cochon de lait, E, sirène, F, fabuleux, G, chien en liberté, H, inclus dans la présente classification, I, qui s'agite comme des fous, J, innombrable, K, dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, et L, etc., M, qui viennent de casser la cruche, N, qui de loin semble des mouches. Alors voilà. Alors, ce qui est fascinant dans cette façon de classifier, si vous voulez, c'est que le critère de classification est arbitraire, totalement arbitraire. Et dans le fond, on regarde ça, puis on se dit pourquoi pas, hein, mais c'est une bonne idée. Hein, c'est une critère. C'est ça. Mais... alors, Cantor, si vous voulez, il vient mettre de l'ordre dans tout ça, dans la façon qu'on a de classifier les choses. Il dit, on peut classifier d'une façon paradigmatique et on peut classifier d'une façon syntagmatique. Il y a des objets qui sont semblables entre eux, et ceux-là, on peut les mettre ensemble. Et il y a des objets qui sont dissemblables entre eux, et on ne peut pas les mettre ensemble. C'est ça qu'il dit, au fond. Hein? On va faire un ensemble de tout ça. Et donc, de cette façon, on peut intégrer tout l'univers, au fond, dans cet ensemble-là. D'ailleurs, ce qui est frappant, j'ai sauté ce passage pour ne pas trop vous en prendre. En même temps, si on peut tout mettre dans l'ensemble, l'ensemble n'a plus de raison d'être. Par exemple, oui. Dans le sens que si l'ensemble regroupe toutes sortes d'affaires, sans lien les uns avec les autres, ben on n'a plus besoin d'ensemble. Oui, écoutez, il y a un petit passage que j'ai sauté. Je vais vous le lire parce que vous soulevez la question. Parce que c'est un passage censuré par moi, mais on va voir pourquoi je l'ai censuré. Alors, le dernier point que je voudrais évoquer à propos de l'ensemble de Cantor, qui dit combien son apparente naïveté est fausse, c'est que cette théorie, cet ensemble naïf, est en réalité l'ensemble de tous les ensembles, puisqu'il contient en principe en lui-même, c'est-à-dire dans sa théorie, la théorie de n'importe quel ensemble. Il est en lui-même la théorie de tous les ensembles. Il est susceptible d'accueillir en lui, c'est-à-dire dans la notion d'ensemble, la totalité du monde, de théoriser par lui-même la totalité du monde. Cet ensemble a un caractère divin, hein? On ne s'étonnera donc pas s'il fait partie de l'ensemble des théories, des idées et des réflexions qui ont contribué, dès la fin du XIXe siècle, à se substituer au paradigme divin. Cette notion d'ensemble vient prendre la place de Dieu. Vous voyez ? C'est amusant que vous me disiez, il est totalement inutile. Parce qu'il vient à la place de Dieu. Vous voyez ? Ce sont des idées qui vont provoquer ce mouvement généralisé qui commence avec l'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État, les révoltes nationalistes. Tous ces mouvements convergent tous dans l'idée que Dieu est exclu désormais de la gestion du monde. Hein? Voilà. Et c'est... Voilà. Donc c'est dire qu'une théorie des ensembles peut, mine de rien, avoir des impacts étonnants, vraiment étonnants. Je vais sauter sur Freud, que j'imagine que vous connaissez. Vous avez tous plus ou moins lu La science des rêves. Et la façon dont Freud a d'analyser le rêve, hein, de classifier le matériel du rêve. Freud, par contre, ne dit pas comment il découpe le rêve. Il dit que le rêve, les éléments du rêve sont constitués de morceaux, mais il ne dit pas comment il les découpe. Hein. C'est difficile d'ailleurs de trouver. Mais il demande au patient, il prend chaque morceau du rêve, il lui demande d'associer autour de ce morceau du rêve. Bon, Lévi-Strauss va s'inspirer certainement de Freud, il va s'inspirer de Jacobson. Et il va découper les mythes de la façon que je vais vous dire. Bon, il faut d'abord procéder au découpage du mythe, mais bon. On va dire que Lévi-Strauss utilise le concept de mythème. Je ne sais pas s'il l'a élaboré, s'il l'a pris de quelqu'un d'autre, je ne suis pas assez au courant de ça. Mais un mythème, c'est l'équivalent d'un phonème ou d'un signifiant. Hein. C'est un morceau de mythe. Il va disposer les morceaux de mythe dans un tableau, hein, avec des colonnes. Et des lignes. Et on va prendre un mythe particulier, depuis le début jusqu'à la fin, et on va mettre le premier élément ici, le deuxième ici, le troisième là, et le quatrième là. Et on va aller jusqu'au bout d'un épisode du mythe. Okay. Parce qu'on divise en même temps le mythe en épisodes. Une fois qu'on a mis le premier épisode sur la première ligne, on passe au deuxième épisode qu'on va mettre sur la deuxième ligne. Mais on va faire attention à ce que dans chaque colonne, on va mettre les mythèmes semblables. Hein? Donc on va avoir ici un mythème semblable au premier et ici un mythème semblable à celui-ci. Il peut arriver que ici, on n'est pas, dans le deuxième épisode, on n'est pas d'élément qui soit semblable à celui-là. Alors, on met rien. Et on va, ici, puisqu'on a un élément semblable au premier épisode. Et ainsi de suite. Hein. Les épisodes, c'est les rencontres avec le patient. Bon, là, on parle de mythe, mais pour ce qui est des patients. Je pensais à des téléromans, des épisodes, mais je ne sais pas comment. Ouais. Je ne comprends pas. Bon, il va y avoir des exemples pour les mythes, okay. Et il va y avoir des exemples pour les patients. En fait. Okay. Chez les patients. Ça reprend, là, comme le. Oui, ça va reprendre. Oui, c'est ça. Ça va reprendre la même structure que Cantor, effectivement. Mais 1, 2, 3, 4 sont des moments dans le temps? Oui, c'est ça. Des mythèmes. C'est des différents mythèmes. Les différents mythèmes, mais avec le temps, qui évoluent avec le temps. L'évolution de. C'est un récit, oui, mais. Oui, ça évolue dans le temps. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Comme ça, ça vous fixera les idées. Et puis, on va avoir de très nombreux exemples. Alors, ce que Lévi-Strauss utilise, c'est le mythe d'Édipe. Il utilise le mythe d'Édipe et il analyse sous nos yeux avec cette technique-là. Et là, je vous donne le résultat de l'analyse de Lévi-Strauss. Hein. Au début du mythe, on a Cadmos. qui cherche sa sœur Europe, ravie par Zeus. Ensuite, bon, je sais pas si. Ensuite, Cadmos tue le dragon. Ensuite, ici, les Spartoi. Je sais pas qui est les Spartoi, je me rappelle plus. S'extermine. Bon, ça c'est comme la préhistoire du mythe, si vous voulez. Ensuite, quand on arrive à la partie plus connue, on a ici Labdakos. Qui est le grand-père d'Œdipe. Et le mot Labdakos veut dire boiteux. Ensuite, on a ici Laios, qui est le père d'Œdipe, qui veut dire gauche. Ensuite, ici, là, je fais une économie là, de lignes parce que j'ai pas assez de place, donc je vais comme mettre sur la même ligne, c'est pas grave. Œdipe, immole le sphinx. Ici, on a Œdipe qui veut dire pied enflé. Ici, nous avons Œdipe, épouse Jocaste. Ici on a Éthéocle tue son frère Polynice. Et enfin, on a ici Antigone enterre Polynice. Violant l'interdiction. ce que Lévi-Strauss nous dit là-dessus, c'est que il a constitué au fond quatre colonnes qui sont chacune. Celle-ci est caractérisée par... ces deux colonnes concernent les liens familiaux. Alors, la colonne de gauche, c'est la surestimation des liens familiaux. C'est-à-dire quand on exagère le lien familial, Cadmos qui est très amoureux de sa sœur, Édipe qui épouse Jocaste, et Antigone qui enterre son frère. Donc il y a comme on cherche à dépasser un interdit qui concerne le lien familial. En revanche, ici, on a une sous-estimation du lien familial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au lieu de s'aimer, on s'entretue. Cette colonne concerne la destruction de monstres, le dragon, le sphinx. Et enfin, la dernière colonne concerne la difficulté à marcher droit. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, la mise en tableau qui a été faite. Les deux premières colonnes, c'était les liens familiaux. Les deux dernières, ils ont un thème commun. Voilà. C'est ça que, si vous voulez, ça, c'est l'analyse à l'état brut. Okay. Vous voyez? Et on constate, une fois que l'analyse est faite, qu'il y a des liens familiaux dans les deux premières colonnes et que dans la première colonne, ces liens sont surestimés et dans la deuxième, ils sont sous-estimés. Ça, on ne l'avait pas prévu, ça. On le découvre. On le découvre. Dans l'analyse. Dans l'analyse, c'est ça. Dans la deuxième et la troisième colonne, qu'est-ce qu'on remarque? On parle ici de monstres. Mais ces monstres, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont ce qu'on appelle des monstres chthoniens. Chthoniens, ça s'écrit comme ça. C-H-T-O-N-I-O-N-S. C'est-à-dire, ce sont des monstres qui sont issus de la Terre. Comme on dit, autochtone, c'est-à-dire celui qui vient de auto. Et ici, on a aussi un rapport à la terre qui passe par le pied. L'un est boiteux, l'autre est gauche et l'autre a le pied enflé. Vous voyez? Donc on peut en déduire que nos deux colonnes ici ont un rapport avec la Terre. Vous voyez? Alors, ce que Lévi-Strauss conclut de cette analyse de l'Édipe, c'est la chose suivante, il dit la surestimation des liens familiaux est à la sous-estimation du lien familial, ce que la destruction de monstres et ton rapport à la terre. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire les rapports entre elles des deux premières colonnes équivalent. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le rapport à la terre, on ne peut pas être comme les plantes, c'est-à-dire être issu d'un pied et sans sexualité. Il faut se couper de la terre pour pouvoir avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire entrer dans la variété. On ne peut pas se reproduire comme les plantes, c'est-à-dire on ne peut pas s'aimer entre nous, ceux de la même famille, c'est interdit. Il est préférable de se séparer, même si ça peut causer des problèmes à nos pieds. Il est préférable de se séparer de la terre, il est préférable de ne plus être comme une plante et d'avoir plutôt des relations sexuelles. Il est préférable de ne pas coucher avec sa mère et d'aller se marier avec une autre femme. C'est à peu près... C'est pas évident, par exemple, comment qu'on tire ça de ça. Comment on va lire l'analyse que vous venez de faire avec, à partir de ça. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est non plus pas la seule interprétation possible. On peut... Mais on est coincé avec ces informations-là. Hein? On est sûr que c'est de ces informations-là qu'il s'agit. Et on doit trouver quelque chose d'adapté à ces informations-là. On ne peut pas dépasser ça. L'analyse nous donne ça. C'est le matériel à partir duquel on doit tirer notre interprétation. Et c'est classé, là. Le rapport avec le sphinx et le dragon, c'est un rapport de consommation, si vous voulez. Cadmos tue le dragon, Oedipe immole le sphinx. Alors que ici, c'est un rapport de séparation. Vous voyez? Et ici, on a la même chose. On a un rapport intime ici et un rapport de séparation ici. Donc, vous voyez, ça... Alors... Bon... Ça, c'est la formulation et l'interprétation de Lévi-Strauss. Moi, qui me paraît assez vraisemblable, c'est sa façon d'interpréter le mythe d'Édipe, et elle est congruente avec la façon de Freud, d'une certaine façon. Parce que Freud, c'est un peu la même chose qu'il dit. C'est pas... Sauf qu'il analyse le matériel différemment de Freud. Freud, il prend seulement un épisode du mythe d'Édipe, et il se centre dessus, alors que Lévi-Strauss, il va chercher tout l'ensemble. C'est peut-être ça l'avantage de Lévi-Strauss, c'est qu'il il va chercher tout le matériel. Et vous me direz à quoi ça sert en séance de connaître tout ça. Eh bien, ce qu'il y a de particulier, vous le remarquerez peut-être avec vos propres patients, quand on laisse quelqu'un faire des associations libres, on s'aperçoit assez rapidement que dans le cadre d'une séance, il va répéter à plusieurs reprises un même épisode, la structure d'un même épisode sous différentes façons, hein, avec différents personnages. Et il est très facile de lui signaler dans le matériel qu'il a apporté les divers épisodes dont est constitué son discours. C'est très facile de le signaler. Bon, c'est pas le but, mettons, on va pas lui signaler qu'il y a plusieurs épisodes, c'est inutile en soi, mais on va tirer des conclusions à partir de l'analyse de ces divers épisodes. Et on dirait par exemple de différents épisodes sont de différentes choses, apparemment différentes des choses qu'il raconte, mais dans chaque épisode il y a des différentes thématiques, ça sera les colonnes. Que quand on prend des différents épisodes qu'il a racontés, on peut trouver les mêmes thématiques qui se répètent, non? C'est ça, les mêmes personnages en rapport avec d'autres personnages. Les mêmes faits ou les mêmes c'est ça. Actions. Oui, il y a toujours une façon de mettre en rapport les divers épisodes du discours du patient. Mm-hmm. Genre de répétition. Des sortes de répétitions qui ont la même structure. Et c'est comme si chaque épisode était un instrument pour interpréter le précédent épisode. Et c'est comme le patient m'apporte, avec les épisodes qu'il m'apporte, la façon d'interpréter les épisodes. Moi, je n'ai pas à introduire quoi que ce soit de chez moi. Il m'apporte le matériel et la solution. Il apporte la logique. La logique. Il apporte sa logique. Mm-hmm. Mais ce qu'on devrait regarder, c'est ça, la logique avec laquelle il a fonctionné. On devrait aller donc avec ça. Parce que c'est nous qui observons ça, c'est nous qui a l'œil pour regarder ça, mm-hmm. Pas lui. C'est ça. Mais attention, là, ce n'est pas mon œil spécifiquement. Je peux lui dire « regarde » et il peut accepter lui aussi de voir comme moi je vois. Tu vois? C'est pas mon œil de psy. N'importe quel œil verrait la même chose. Donc... il n'y a pas une intervention extérieure, tu vois. C'est un gros avantage parce que ça introduit une atmosphère très cordiale dans le cadre de la séance. Il n'y a pas de violence extérieure. Il y a une sorte de cordialité sympathique qui s'instaure avec le patient. Puis on est d'égal à égal, on n'a pas de... Il n'y a pas le rôle du spécialiste, de l'expert, du maître qui vient s'introduire dans ces associations. C'est lui-même qui s'interprète lui-même finalement. Mais l'interprétation, les mots, c'est le thérapeute qui pose les mots à travers l'interprétation sur le contenu du patient. À un certain moment, oui, je finis toujours par formuler l'interprétation. Ce que Élise a dit tout à l'heure, c'est que bon, avec le même matériel, elle n'aurait pas formulé l'interprétation de Lévi-Strauss. Hein, il y a un certain moment où on a la liberté d'interpréter le matériel d'une façon ou d'une autre. C'est vrai. C'est un choix qu'on fait à ce moment. Et d'une certaine façon, on est plutôt libre de faire ce choix parce que la possibilité de se tromper est acquise. Puisqu'on a suffisamment bien analysé le matériel, si on se trompe, eh bien on revient au matériel et on invente une autre interprétation. Mais c'est quoi la différence avec la psychanalyse? J'avoue. La différence n'est pas énorme. Il y a une très grande similarité. La différence est peut-être que cette technique est systématique. Okay. C'est-à-dire, elle est automatique, systématique. Un psychanalyste qui écoute un patient a tendance, vu les moyens techniques dont il dispose, les moyens techniques d'écoute dont il dispose, il a tendance à sélectionner certains passages du discours du patient qui correspondent plus à sa théorie. À son plan. Oui, c'est ça, à son plan personnel. Et je trouve que... Pourquoi s'attarder à une technique qui est un peu désuète? Je dirais que... C'est inutile d'utiliser cette technique-là qui nous fait faire des erreurs, qui nous fait risquer de faire des erreurs, alors qu'avec cette technique-là, on ne fait plus d'erreurs. On a tout le matériel devant soi. On peut faire des erreurs en interprétant. Parce qu'on constate tous les éléments comme égaux. Exact. Et tous les éléments interagissent entre eux et forment un ensemble cohérent. Il y a moins de chances aussi de faire violence, comme on dit, en sortant quelque chose d'extérieur qui viendrait saisir le patient, parce qu'il n'y a rien dit de cet ordre. C'est ça. Je n'ai plus besoin de me dire comment je vais lui formuler l'interprétation pour qu'il la prenne bien. Là, ça c'est terrible. Moi, c'était la pire souffrance quand j'exerçais de cette façon-là. De sentir que j'ai quelque chose à lui dire et puis j'ai peur qu'il ne l'accepte pas. Là, j'ai plus besoin d'avoir ces craintes-là parce que je formule mon interprétation et en même temps, je lui dis pourquoi je formule l'interprétation. Je lui dis, regardez, il y a ça, il y a ça. Et il est... Bon, il a le matériel devant lui, il peut me dire non. Avec ce matériel, moi, je ne dirais pas la même chose. Mais le matériel est là, c'est ça qui compte. C'est la mise en évidence du matériel qui compte, à mon avis. L'interprétation, c'est peut-être une petite lampe que j'ai envoyée sur le matériel, mais pas plus. Ça veut dire qu'il y a une rectification du cadre de la thérapie. C'est-à-dire, pour répondre à madame, dans le cadre de la thérapie en ce qui concerne la psychanalyse, soi-disant en parenthèse classique ou traditionnelle, c'est que le psychanalyste étant comme expert, c'est lui qui impose la solution, c'est lui qui impose l'interprétation. Par contre, dans l'écoute anthropologique, il y a cette collaboration entre le thérapeute, le psychanalyste et le patient pour trouver un terrain d'entente et trouver comme une interprétation au matériel qui soit acceptée par les deux parties. Par les deux. Bon, c'est sûr que je n'irai pas jusqu'à dire que le psychanalyste impose. Parce que Mais peut-être qu'à la quatrième ou la cinquième génération des psychanalystes, c'est des choses qui se font couramment. Je pense que la psychanalyse se dégrade avec les générations là, de psychanalystes, mais bon, je ne veux pas non plus insister là-dessus, mais disons que le choix que je fais de mettre en valeur telle partie du discours du patient ne vient pas de moi. Oui. C'est-à-dire que la mise en valeur de telle ou telle partie du discours du patient provient du texte lui-même. Je ne dis pas « moi j'ai envie de choisir cette partie plutôt que telle autre » parce qu'elle correspond un petit peu mieux à ce que je pense qu'est le problème du patient. Non. Je n'ai pas à m'impliquer à ce niveau-là. Les rapports se font entre eux dans le texte du patient. Je n'ai pas à me soucier. Donc, et est-ce que, par exemple, dans l'espace de l'écoute anthropologique, on est obligé, par exemple, d'utiliser une technique telle que le tableau, par exemple, pour que le patient puisse facilement comprendre de quoi il s'agit et il peut faire cette dissection de son récit ou de son discours pour aboutir à trouver les sens dont il a besoin? Bon, c'est sûr qu'on ne va pas faire le tableau, mais je pense que la dimension, le fait d'écrire est important. Donc. Je pense que l'idée d'écriture est importante. Moi, j'écris systématiquement la majorité des choses que me dit le patient. Parce que... Pendant la séance. Pendant la séance, devant le patient, quand il est en face à face, j'écris environ une page et demie par séance. Je peux continuer? Oui, excuse-moi. J'ai tellement de questions. D'après ce que j'ai compris aussi, c'est que chaque séance, il y a une évaluation et en même temps une intervention. Une analyse et une intervention, oui. C'est ça. Oui. Chaque séance d'un même patient est différente. Par rapport à l'autre. Oui, c'est incroyable, incroyable. Ça veut dire que l'évaluation et l'intervention vont de pair. C'est ça. Oui. Je dirais pas évaluation, je dirais analyse. Non, non, c'est le thème actuel. C'est ça. C'est pas pareil. Comment? C'est parce que c'est pas pareil. Dans le sens qu'analyse, c'est comme tirer, ça vient plus de la psychanalyse. Évaluation, c'est... Il faut faire l'évaluation. Ouais. Là, ouais. C'est l'évaluation psychologique. Oui, mais... Mais c'est pas pareil. C'est que évaluer, c'est mesurer. Il y a l'idée de mesure. Oui, c'est pas forcément qu'on utilise. C'est-à-dire même l'évaluation, on n'est pas forcément d'utiliser, par exemple, des tests psychologiques ou... Ouais. On utilise des cartes pour la faire. Oui. On les choisit, oui. Mais il faut quand même les choisir, nos cartes, comment on va évaluer. Oui. Il faut comme ça faire une idée... de la demande, pour moi c'est ça évaluer, alors qu'analyser pour moi c'est dans le processus, quelque chose qu'on fait constamment, alors qu'on n'évalue pas constamment. C'est-à-dire que l'analyse, c'est le matériel qui sert de référence à lui-même, alors que l'évaluation, c'est une référence à quelque chose d'extérieur au matériel. C'est ça la différence, mais peu importe, on ne va pas s'attarder sur des termes. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque séance, il devrait avoir un épisode au complet. C'est comme on peut concevoir dans chaque séance un épisode qui peut être complètement susceptible d'interprétation. Dans chaque séance. Pas qu'un, plusieurs, au moins deux. Il faut que dans chaque séance, il y ait au moins deux épisodes. Sinon, je ne peux pas interpréter. Sinon, je n'ai pas d'instrument d'interprétation. C'est... Et ça se peut qu'après plusieurs séances, on pourrait comme résumer ça plusieurs épisodes dans un même épisode, peut-être dans une interprétation commune, ou plusieurs épisodes. Ça peut arriver que je m'appuie sur d'autres épisodes qui viennent d'autres séances. Ça peut arriver. Mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire l'intérêt de l'opération, c'est que on a tout en mémoire à ce moment pendant la séance. Vous voyez? Et si le matériel de cette séance qu'on a analysé fait appel à d'autres séances, on peut aller chercher d'autres séances. Mais il faut quand même prendre appui sur la séance actuelle pour aller chercher le matériel d'une autre séance. C'est comme... C'est comme ça que je pratique. Ma question, c'est un peu part de la supposition qu'il doit avoir comme un mythe, ce qu'on appelle les drames, ou en psychanalyse, les drames personnels, non? Du névrotique, par exemple. C'est pas supposé que cet drame, ce mythe, c'est un mythe. Donc, en bref, c'est le mythe qui se fait réalité dans chaque séance, mais en même temps, il y a quelque chose de ressemblable dans tous les épisodes, dans toutes les interprétations qui se répètent. C'est ça que je pensais. Oui. Donc, on devrait aboutir à ça. On n'est pas obligé. Si ça arrive, ça arrive. Mais on n'est pas obligé. Hein, c'est... Mais écoutez, on est dans la généralité. Hein, je sais pas, on va aborder dans notre travail clinique, on va aborder plein d'éléments qui répondront certainement à vos questions. Tant qu'on n'a pas encore plongé vraiment dans la clinique. Est-ce que vous avez faim? Oui. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on a bien mérité de notre matinée. Il est quelle heure? Il est midi et demi. Ah oui, déjà. J'avais pensé tenir jusqu'à une heure, mais je pense que c'est peut-être un peu trop. Et puis j'ai la voix qui commence à pétiller. Le coup, ça termine à quelle heure? 5, 6 heures, 5 heures. Aujourd'hui? Oui. Moi, je peux devoir partir. Je croyais que ça se termine à midi. Non, c'est... Parce que j'ai d'autres choses à faire. Ouais, écoute, ouais. Donc, la prochaine fois, je serai programmé pour rester toute... C'est ça, c'est samedi prochain. Il y a 8 samedis. Oui. Qui s'échelonnent... De 8h à 6h. 9h à 6h. 9h à 6h. Et... Le temps qui est prévu pour le dîner... Ouais, ben là, on va peut-être se donner une heure et quart. Il y a plein de petits restos dans le coin. Je suis toujours avec mes cas que je dois filmer et tout. Aujourd'hui, ce soir, j'ai visionné une séance d'évaluation avec Louis. Ah oui. Donc, j'ai intérêt à ne pas rater ça, sinon. Mais oui. Tu as l'air de travailler fort. Hein? Ah oui, oui. Ça se voit sur moi. Oui, oui. Ça se voit à la couleur du blanc de tes yeux. Oui. Il le faut. Oui, le blanc de tes yeux est rouge. C'est pour cela que chaque fois, de temps en temps, je vous taquine avec mes nouveaux concepts, évaluation, intervention. Ah ben ouais. Cadre. Il n'y a que ces concepts. Donc, ouais, c'est plus là. Pour les apprendre, pour les oublier par la suite. Non, c'est on est plus, je sens qu'on est plus attaché par tout ce qui est procédural. Ah oui, par contre, le fond, souvent, on fait abstraction au fond. Et la procédure, il faut respecter la procédure. Déjà, l'objectif de l'ordre, c'est de que la pratique de l'ordre. C'est que la pratique soit conforme au processus. Ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer. La prochaine fois. Voilà. Et merci pour. De rien, Mohamed. Bonne journée. Alors, voilà. Écoutez, il y a plusieurs restaurants dans le coin qui sont raisonnables, à des tarifs raisonnables. Il y a un restaurant vietnamien qui est bien intéressant, qui est très propre. Et il y a un restaurant en face qui est cambodgien. Ensuite, il y a un restaurant japonais. En face? Il y a du choix. Oui, oui, il y a plein de choix. Là, c'est tout sensiblement les mêmes prix. Là. Mmh. On s'en tire avec une dizaine de dollars. C'est... Je sais pas. Et puis il y a les cafés sandwich aussi. Il y a un café sandwich ici qui est nord-africain. Il y a un café sandwich. Il y a deux cafés sandwich qui sont plus... sud-américain. Là, en tout cas, voilà. Sur toute urgence. Hein. Oui, oui, oui, sur une distance de 200 mètres. Vous dînez, vous vous reposez un peu pour le dîner ou vous Non, non, dîner, moi je sors. Là, j'avoue que ma préférence irait au vietnamien parce qu'on est mieux assis. Et okay. Si ça vous tente. C'est où le vietnamien? C'est juste là, au coin de Saint-Hubert et Jean Talon. Ah oui? Okay. C'est nouveau? Hein? C'est nouveau? C'est un nouveau, oui. Je travaillais avant dans les bureaux, là, juste au coin de Saint-Hubert et Jean Talon. Ah oui? Il n'y avait pas tout. C'est ça, il a remplacé le restaurant libanais. Ah, ok. Il y avait un restaurant. Oui, oui, oui, une heure et quart. Ici, je vais être sûre que je le remplis de la bonne façon. C'est de bonne façon, c'est ça. Oui. Et je mets votre nom ou peut-être pour. Qu'est-ce que je mets ici pour? Oh, vous mettez ce que vous voulez, là. C'est pas, à votre pas nom. Important, oui, okay. C'est ça. Je vais fumer, mais si vous voulez qu'on mange ensemble, oui, ça ferait plaisir. Sinon, on peut prendre chacun notre bar, comme vous voulez. Bon, alors, il s'appelle... Ben, je vous attends. Ah, bout. OK. On va avoir le temps de prendre l'air. Fumer en même temps. C'est avec deux L, avec, c'est juste un L. Un L, oui. Ouais. J'ai vu, aujourd'hui, on a dû faire une rencontre avec des personnes qui sont très, très... Et en fait, c'est les premières personnes qui nous ont accueillis ici, à Québec, au Québec. Et bon, ça fait longtemps qu'on essaie de se rencontrer. Tout le temps, c'est une chose différente. On avait dit aujourd'hui, mais on avait accordé parce qu'on devait des personnes un peu âgées, à 6h, 6h30. Donc, j'aimerais partir comme tout. Il va travailler jusqu'à 4h30, 5h. J'aimerais partir peut-être aujourd'hui à 3h, peut-être 3h quelque chose, un peu avant, parce que Oui, on a déjà préparé tout hier, mais il y a quand même encore des choses. Ils vont arriver à 6 heures. Okay. Je ne savais pas que c'était jusqu'à 6 heures. Je pensais que c'était genre 4 heures. Ou... c'est pour ça. C'est juste aujourd'hui que j'aimerais partir un peu avant. D'accord. Merci. Ok. Vous n'avez pas mis la somme. Il faut écrire la somme ici. Oh, je me suis trompée. Non, non, c'est très bien. La somme, je l'écris ici. Ah, là, il fallait mettre mon nom, là. C'est ça. Et pour? Parce que je pensais que c'était... Bon, ouais. Ici, c'est votre nom. Et pour, c'est oui, c'est l'objet. Le... Oh, je me suis trompée. Ouais. Je vais apporter... Après. Je vais vous apporter pendant la semaine, si vous voulez, mercredi. Oui, vous allez venir mercredi. Je pense que j'ai annulé un rendez-vous que j'avais. J'ai plusieurs rendez-vous médicaux, mais il y en a qui ne peuvent pas me les donner le mercredi. Si je le, c'est mercredi, si je l'ai disponible, je vais vous dire avant, mais ça se peut. J'ai déjà élaboré les cas. Je l'ai rencontré 4 fois, je crois. Et j'ai des choses déjà. C'est ma dernière semaine, hein, cette semaine. Ah oui? Je pars pour 1 mois. Ah, ok. Donc, ça. Mais les cours de samedi? Je serai là samedi. Je pars lundi prochain. C'est-à-dire et à partir de là, c'est les questions? Non, non. Quand je reviens, 1 mois plus tard, on fait le 3e cours et le 4e cours. Ah, ça ne va pas être le suivant l'autre? Non, non, non. Ah, il va y avoir un répit d'un mois. Oui. 4 séances, 4 samedis qu'il n'y aura pas. Oui. Ah, ok, je savais pas ça. Ok, je vais venir mercredi. De toute façon, il va voir le samedi prochain. Oui. Ok. Désolée. Je me trompe souvent avec ça. Avec les propriétaires de mon loyer, c'est aussi la même chose. Nous venons d'apprendre les plus grands à faire ça, ici. C'est ça. Je passe à la toilette.